Raymond Poirier au micro, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, avec vous jusqu'à 18h30 où on plonge donc dans l'univers du 9e art, dans l'univers de la bande dessinée et différents aspects cette semaine, différentes thématiques qu'on va mettre de l'avant. En dernière partie d'émission, il y aura Michel Giguère qui, comme à l'habitude, vient mettre la table pour les rendez-vous de la BD et cette semaine, on en profitera pour décrypter, analyser, survoler le travail d'une autrice BD de Montréal qui sera au cœur donc de ce rendez-vous mensuel. Il s'agit de Julie Rochelot, qu'on a connue récemment pour Betty Boob, BD absolument extraordinaire. Alors, on va parler de ça. Et on va parler de moult autres choses également. Sinon, il y aura Thomas-Louis Côté, donc directeur général du Festival Québec BD, qui sera de passage pour nous parler du projet La BD à voix haute. Alors, un projet de web-série que Québec BD a réalisé en collaboration avec Lyon BD. Et dans le cadre de cette web-série, des auteurs BD racontent leur bande dessinée, mais sans montrer le visuel. Donc, on voit vraiment plus dans un mode communicationnel. Je trouve que c'est un beau projet de médiation autour de la bande dessinée qui nous amène vers un autre type de relation, si on peut dire, avec le médium. Alors, j'avais très envie qu'on prenne un petit moment pour vous intéresser peut-être à ce projet-là avec Thomas-Louis et voir un peu l'historique aussi du projet. Alors, il sera avec nous en deuxième moitié d'émission. Et dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec Julien Paré-Sorel autour d'une bande dessinée qui s'appelle Aventure Hasard, qui est arrivée tout récemment du côté de Presse Aventure. On en parle sporadiquement, la BD jeunesse au Québec se porte bien, beaucoup de belles productions et de belles propositions, et à mon sens, très personnel, cette bande dessinée-là en est une. Alors j'avais bien envie, de manière assez proxime avec sa sortie et sa mise en disponibilité, qu'on prenne un petit moment pour en jaser. Alors c'est le menu pour cette semaine, ici à La Vie en BD. On se lance de ce pas donc vers la première de nos rencontres pour cette semaine. On plonge dans un univers qui métisse les dinosaures avec lyric fantasy à tendance médiévale. La bande dessinée s'appelle Aventurosaur, premier tome L'éveil de Rex. C'est à Presse Aventure et son auteur est avec nous au bout du fil, Julien Paré-Sorel. Bonjour. Salut Raymond. Alors, en fait, j'ai l'impression, quand j'ai vu apparaître justement Rex et Aventurosaur dans mes annonces de bande dessinée, ça m'a fait penser, et j'ai eu l'impression d'avoir eu déjà un premier contact avec ce personnage-là. J'ai creusé un peu et je me suis rappelé Inktober en 2015, où j'ai l'impression que tu avais profité du mois justement d'octobre pour faire publiquement des explorations autour de l'univers d'Aventurosaur. Exactement. Écoute, tu as fait des bonnes recherches. C'est vraiment la genèse du projet, c'est ça. C'était mon Inktober en 2015, un dessin ancré par jour. Puis j'avais improvisé une petite histoire. Puis c'était vraiment dans le but de me faire plaisir que j'avais fait cet exercice-là. Donc, créer un personnage. J'ai toujours trippé sur les dinosaures. J'ai toujours trippé sur les univers fantastiques médiévaux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être plus cool qu'un dinosaure qui tient une épée? Puis ça, c'est l'idée de base, dans le fond. Puis là, après, j'ai comme créé un univers avec le Inktober. Étant donné que j'avais tellement de plaisir à réaliser ces dessins-là, puis en plus, il y avait une super bonne réaction du public, parce qu'à tous les jours, ils suivaient l'histoire qui évoluait, qui était à l'époque une petite histoire muette. Je me suis dit, OK, je pense que j'ai quelque chose, parce que ça réunit deux éléments assez intéressants pour moi, là. Oui, puis en fait, je dirais d'un témoignage purement personnel, les BD, quand elles arrivent à la maison, elles traînent un peu à gauche, à droite, et je pense pas qu'elles aient passé plus qu'une minute sur la table avant d'être ramassées par différentes générations. Il y a comme quelque chose, effectivement, et peut-être particulièrement avec le dinosaure, l'épée, en fait, l'idée de métisser les deux contextes qui fait que ça marche. Mais en même temps, justement, je me disais, il y a quelque chose qui fait aussi que ça marche, parce que faut en arriver dans la construction du monde à offrir un univers crédible qui métisse le médiéval avec le dinosaure. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à me pencher sur le projet, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches à savoir est-ce que ça avait déjà été fait, la fusion de ces deux phénomènes slash concepts-là. Puis j'avoue que j'ai rien trouvé. Des univers fantastiques médiévaux avec des personnages animaliers, genre renard par exemple, on en trouve beaucoup, mais dinosaures j'en avais jamais vu, donc je me suis dit ok, je pense que j'ai un filon. Après ça, c'est que faut aller au-delà du concept tape à l'œil bonbon, c'est de raconter une bonne histoire, une histoire intéressante avec un univers riche. Puis c'est là que je me suis dit, OK, j'ai quand même pas mal de boulot sur la planche, puis j'ai passé une année à vraiment poser toutes les bases de cet univers-là, tant au niveau de la mythologie que du langage, que de la grammaire des personnages, qu'est-ce qui ressemble, tous les designs, la géographie, les légendes de cet univers-là, évidemment le scénario, tout ça. J'ai travaillé pendant une année complète sur toute la création de la diégèse, finalement, de cette BD-là. Oui, puis en fait, des éléments, j'imagine, il y en a une partie que tu livres, évidemment, dans le texte, il y en a d'autres que tu vas livrer dans d'autres albums, puis il y en a d'autres, j'imagine, aussi, qui sont là purement pour toi, pour te permettre de t'approprier vraiment toutes les dimensions de cet univers-là. Oui, bien, dans le fond, j'ai toujours travaillé beaucoup avec la narration visuelle. Dans mes anciens projets, j'aimais, comme Lettonie, j'aimais ça me donner beaucoup d'informations narratives, mais juste dans le visuel. Donc, par exemple, les décors, des éléments précis, des accessoires, des costumes, que juste par le dessin, dans le fond, il y a des éléments narratifs qui sont présents, puis que l'histoire évolue par les observations du lecteur. Après ça, c'est certain que là, c'est le nouveau défi pour moi, c'est que c'est une série. Donc, c'est un album par année, donc c'est vraiment une histoire en continu. Puis ça, j'avoue que je trippe fort sur cet aspect-là de développer un univers, puis de raconter une histoire sur le long terme. Donc, au niveau scénaristique, c'est vraiment une autre façon d'aborder la narration, puis comment on construit un univers, qu'est-ce qu'on dévoile à chaque album, quelles questions on veut poser, quelles réponses on veut donner. Donc, c'est vraiment de doser tout ça là, de manière équilibrée. Oui, puis j'ai l'impression en fait que deux éléments justement dans ce dosage-là. D'un côté, il y a l'élément textuel, il y a l'élément en fait le caractère des personnages, les mythes, les histoires qu'ils se racontent, donc qui va beaucoup ressortir au fil des conversations entre autres. Et en parallèle, il y a tout l'élément géographique parce que Aventure Hasard me semblait bâti un peu façon road movie, si on peut dire. T'avais dit la même chose pour Lettonie à l'époque. J'imagine que c'est un peu un modus operandi de mon processus de création en BD, peut-être, je sais pas. Mais c'est certain que j'ai fait une grande carte du monde pour m'assurer que tous les personnages, je sais exactement ils sont à quel endroit, à quel moment, et c'est vraiment un monde qui évolue. C'est pas juste de raconter l'histoire d'un personnage. C'est certain qu'il y a un personnage principal, t'as le protagoniste Rex. Après ça, tu as les personnages principaux autour de lui. Mais il y a toutes sortes de figurants, il y a toutes sortes de personnages secondaires. C'est énorme comme type de gestion. Oui, voilà. Puis en même temps, il faut composer aussi, dans le fond, dans la mesure où il y a un côté très géographique. Et en plus, on a une carte aussi pour se repérer qui est bonifiée au fil des albums. En fait, du moins, c'est ce que oui, je perçois. Oui, exactement. À la fin, là, il y a une carte. C'est ça, il y a ce qu'on appelle en anglais l'expression « fog of war », donc les nuages qui... un peu comme dans la culture vidéoludique, là, qui cache certaines sections de la carte, puis je vais dévoiler au fur et à mesure à chaque album, on va voir de plus en plus le monde. Ça, c'est juste une partie, en fait, de l'univers d'Aventure Hasard qu'on voit dans la carte au complet. Là. Moi, j'aime bien, comme pour expliquer rapidement aux gens, là, je dis, c'est un peu, imaginez le Seigneur des Anneaux rencontre Petit Pied le dinosaure. Donc, c'est plus que ça, mais ça donne tout de suite une image... Oui, une image puis un contexte, en fait, parce que toujours, il y a souvent quelque chose, et l'enjeu au départ, c'est évidemment d'avoir une raison, une motivation et une raison pour le héros de se mettre en marche, si on peut dire. Et dans ce contexte-là, tu évoques Petit Pied le dinosaure, donc je pense que les gens qui l'ont vu se rappellent le décès d'un parent, la quête d'un autre parent, donc il y a un contexte un peu, c'est un bel archétype de mise en marche, qui est une motivation aussi assez profonde, donc c'est un peu là-dedans que tu as choisi aussi d'aller puiser pour démarrer le récit. Et ça, c'est fou parce que Petit Pied le dinosaure, je l'avais vu enfant deux, trois fois, puis je pense que ça m'avait marqué pas mal plus que je pensais parce que je l'avais pas revu depuis mon enfance. Puis là, après la réalisation du premier album, je l'ai revu, je pense qu'il est rendu sur Netflix, puis c'est là que j'ai vu la résonance, puis là, je me suis dit, OK, ça m'a probablement, rentré encore plus dans mon inconscient que je pensais. Après ça, toutes les références au fantastique médiéval, ça vient beaucoup de... Par exemple, un des premiers romans que j'ai lus, c'est Le Hobbit. Le Hobbit, pardon. Puis Le Seigneur des Anneaux, tout ça, les films. Quand j'étais enfant, je créais beaucoup de jeux de rôle. J'écrivais des quêtes avec un jeu de société que peut-être certains connaissent. Ça s'appelle HeroQuest. Oui, ça, oui. C'est vieux, là. Et donc, moi, je m'amusais avec ça, donc c'est vraiment... Puis j'étais un passionné de... J'étais abonné à toutes les revues dinosaures, là. J'étais un peu fatiguant avec ça, là. Tu sais, je connaissais tout par cœur, là, chaque espèce, etc. Donc, mais pour revenir à la quête, c'est ça, c'est quelque chose... C'est là où je veux en venir dans l'idée de... OK, ça te tape à l'œil, t'as des dinosaures avec des épées, c'est amusant, c'est bonbon, mais je veux raconter une histoire profonde avec des personnages attachants, puis qui a vraiment une quête fondamentale. Puis c'est sûr que je parle beaucoup de solidarité dans cette histoire-là avec ses proches, ses amis notamment, mais aussi la notion de famille, donc recherche de la famille. Puis c'est sûr qu'il y a une certaine magie dans cet univers-là, puis sans trop dévoiler, éventuellement on va arriver à des pouvoirs magiques, puis on va entrer dans des thèmes comme OK, si on a la capacité d'être immortel, est-ce qu'on veut l'être, est-ce qu'on peut le faire? Puis évidemment je m'inspire beaucoup d'enjeux sociaux contemporains, mm-hmm. comme justement l'immortalité, c'est quelque chose que les scientifiques commencent à toucher là, en jouant avec certains gènes humains. Donc moi je m'inspire de tout ça, puis en premier temps, ben je veux m'amuser avec cette série-là. Oui, puis je pense qu'il y a deux éléments que tu ressors que je trouve assez importants dans ce contexte-là. Peut-être le deuxième, dans le fond, l'idée, justement, d'aller toucher des thèmes, d'aller toucher des éléments. Bon, évidemment, c'est des jeunes dinosaures, c'est des enfants qui sont en scène. Et le premier élément, c'est qu'on retrouve justement un peu l'aspect dramatique. Donc, l'idée de la perte d'un parent, mais pour un enfant, pour un jeune, c'est quelque chose de palpable, de compréhensible. On est capable de percevoir et de comprendre l'impact que ça peut avoir et de comprendre pourquoi le héros se met en marche. Et ensuite, quand on va développer des thèmes au fil des rencontres, des réactions, c'est le genre de trucs qui, comme parents, ben, quand on fait la lecture en famille, si on peut dire, ben, les deux peuvent aller en chercher, mais ça devient aussi un moteur de discussion. Donc, on peut aller plus loin que juste, justement, le bonbon. Ben, je suis content d'entendre ça parce que moi, c'est un peu... en fait, c'est ça que je veux réaliser avec la série. Dans mon idéal, c'est que je veux créer un dialogue intergénérationnel avec les jeunes puis les adultes. Donc, ils puissent discuter de la série... de certains thèmes, de certains enjeux justement psychologiques, émotionnels, qui puissent en parler, par exemple au souper, pourquoi tu penses que ce personnage-là a dit ça ou a fait ça, ou tel objet, tu penses que ça va servir à quoi dans la quête, que ça devienne vraiment des discussions enrichissantes. Puis je pense que c'est certain que par le visuel, étant donné que mon style est assez élastique, cartoonesque et coloré, surtout pour cette série-là, je suis allé à fond dans les couleurs. C'est certain que je pense qu'il est tape à l'œil pour le lectorat jeunesse. Cela dit, je pense pas qu'il faut le sous-estimer, justement. Moi, j'ai une autre œuvre qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'est le film Histoire sans fin. Puis je me rappelle bien avoir ressenti toute une gamme d'émotions lorsque je regardais ce film-là. J'avais peur du loup, j'avais de la tristesse lorsque le cheval il meurt. J'avais la joie avec les personnages colorés, humoristiques. Donc, je pense que c'est important que chaque émotion est belle, puis que c'est un peu comme la vie de tous les jours, mais on passe par toute une gamme d'émotions, puis c'est beau, puis c'est normal. Puis je pense que dans ce type de récit-là, ça se prête bien, justement, cette montagne russe, cette variation-là d'émotions, puis de moments touchants, mais de différentes sensations, finalement. Oui, puis en fait, d'une certaine façon, la structure road movie un peu nous permet de catégoriser un peu les éléments. Road movie, autant dans le contexte géographique, dans le contexte événementiel aussi, où on passe du village à un événement plus dramatique, après ça, OK, un événement de on diminue la tension, on remonte, on diminue, donc en dents de scie un peu d'une certaine manière. Mm-hmm. Pour en arriver à un récit qui est quand même assez équilibré, à la fois dans l'émotivité, mais aussi dans la couleur qui vient appuyer cette émotivité-là, où les épisodes sont quand même aussi assez... chacun a un peu sa couleur, en fait, sa teinte également. Ouais. Ben, je travaille justement beaucoup les ambiances de couleurs pour, premièrement, qu'on comprenne bien qu'on change d'une scène à une autre ou qu'on change d'un lieu à un autre, donc de jouer avec les camaïeux de couleurs, de changer sa palette, mais aussi de jouer avec, OK, c'est quoi l'émotion du moment? Quel genre d'énergie, quelle couleur pourrait bien représenter inconsciemment cette émotion-là qui est en train d'être vécue par les personnages dans cette scène-là. Donc ça, c'est un travail que j'essaie de faire. Oui, puis en fait, creuser aussi, parce que donnons l'exemple, en fait, un des éléments qu'il met en marche, c'est dans les premières pages. Donc, on ne dévoilera pas trop d'éléments non plus, mais on peut le mentionner. Donc, c'est la destruction du village d'enfance du héros de Rex. Et tu y vas avec un rouge qui est vraiment hyper saturé, qui est dense. Il y a comme quelque chose d'intéressant, en fait, de particulier, je trouve, dans ce rouge-là, puis dans l'atteinte de ces éléments-là, avec en même temps une montée dramatique où on va avoir une première esquisse de ce qu'on a l'impression qui va être le méchant, dans le fond, sur la grande histoire, la quête au complet. Mm-hmm. Donc, c'est un peu tout un crescendo, mais avec cette couleur-là, ça apporte justement une ambiance tellement particulière à cette courte séquence-là. Oui, ouais, ben c'est sûr que c'est une séquence clé, c'est l'élément déclencheur, un peu destructeur même. Donc, c'est certain qu'il fallait y aller avec quelque chose de brut, d'intense, de violent, parce que c'est un moment violent de l'histoire. Donc, c'est certain qu'il fallait que ça contraste avec les scènes d'avant où c'était plus une couleur normale, entre guillemets, en plein jour, avec une variation normale. Mais tu parles de road movie, donc de ligne directrice. Le premier album est assez direct, c'est-à-dire qu'on suit Rex, mm-hmm. pas mal de A à Z dans son histoire, dans sa quête. Là, présentement, je suis en train d'écrire le deuxième, puis même le troisième, parce que c'est ça qui est l'intérêt avec une série, c'est que il faut penser à long terme, puis un peu comme aux échecs, penser quelques coups d'avance pour faire du tressage scénaristique intéressant. Du moins, c'est ce que je vais essayer de faire. Puis dans les prochains albums, on va passer d'un lieu à un autre. On va pouvoir alterner entre différents groupes de personnages. Parce que là, l'univers va s'ouvrir un peu plus. Mmh. Donc, ça va être un petit peu moins linéaire, si je peux dire. Oui, puis en même temps, ça permet une variété. Dans le fond, ça monte. Puis je pense j'en ai jasé avec d'autres scénaristes et auteurs sur d'autres séries. Mais l'idée, justement, de ne pas avoir une recette dès le deuxième album, mais d'avoir des éléments qui peuvent venir éclater un peu, d'avoir des éléments de rythme, de pouvoir se permettre justement de surprendre puis d'éclater la, entre guillemets, recette qu'on développe. Oui, mais c'est certain que moi, je pars de certains archétypes pour les personnages, voire de certains clichés, voire des ce qu'on appelle des tropes. Dans le genre fantastique, etc. Mais j'essaie toujours de pousser ça à un autre niveau, puis d'amener une petite touche personnelle, puis de jazzer ça justement avec l'aspect dinosaure, préhistoire et tout. J'ouvre beaucoup de portes dans tous les albums, parce que comme je disais, là, je suis en train de faire les deux prochains, puis de scénariser les deux prochains, et j'aime toujours me laisser quand même une certaine liberté. Donc, je sais où je m'en vais, mais je veux pas trop m'engager dans chaque album pour justement me laisser une certaine liberté, un certain jeu, pour m'amuser avec les personnages, puis prendre mon temps pour raconter ce que je veux raconter. Si la série fonctionne bien, puis que j'ai toujours du plaisir à travailler là-dessus, sans trop aller dans le détail, je pense être capable de... Bien, en fait, j'aimerais qu'il y ait un album par année pendant plusieurs années. Oui, puis en fait, il y a quelque chose d'intéressant justement ce que tu mentionnes, donc l'idée de pouvoir prendre le temps puis de se donner l'espace aussi de faire des propositions. Tu sais, je prends exemple, à peu près à la mi-album, on a une séquence où essentiellement les personnages quittent un lieu, descendent une montagne, et là tu te permets un deux planches, une immense illustration où on suit un peu le parcours de la descente. En fait, c'est un beau luxe entre guillemets, puis comme un moment de respiration entre deux étapes charnières du récit. Donc dans un contexte où on se donne l'espace pour jouer, pour expérimenter, pour jazzer, mais j'ai l'impression, peut-être un peu faussement, mais que c'est le genre de résultat que ça peut nous donner aussi, de petits moments de folie comme ça. Oui, je me suis permis d'expérimenter là, justement pour cette double page-là, puis c'est drôle parce qu'il y a un jeune au Salon du livre de Rimouski qui m'a dit que c'était son moment préféré de la BD. Pour les prochains albums, je vais encore plus expérimenter à ce niveau-là, puis encore plus prendre mon temps que pour le premier même. Donc, pour vraiment montrer des lieux, que ça respire davantage. Moi, c'est ça, c'est drôle à dire, mais je sais que des fois, c'est un peu chamboulé les événements dans le premier album. Je devais arriver à un moment précis pour la finale. Et au niveau du format et tout, au niveau des délais, ben, j'étais un peu serré. Mais ça, c'est juste moi qui le sais, qui le vois peut-être. Mais pour les prochains, je veux vraiment plus prendre mon temps pour raconter, puis j'ai la chance d'avoir un éditeur qui m'encourage beaucoup là-dedans dans l'expérimentation, puis de faire des pages pleines, des doubles pages même pour justement démontrer l'univers, prendre toute la place finalement. Oui, puis prendre le temps de bâtir le monde. Puis je veux pas, en fait, si le monde est bien bâti, après ça, le lecteur de 7 à 77 ans, ben va mieux l'appréhender. Et j'imagine là-dedans, parce qu'on parle beaucoup de géographie, mais justement, le désert, la montagne, le village, ben oui, il y a la carte globale, mais chaque lieu a son identité, chaque personnage. Tu parlais d'une année de recherche. Je pense qu'on comprend bien où il a été cette année-là. Et sans nécessairement non plus tomber dans une logique où les décors viennent obnubiler le personnage, parce qu'il y a quand même un côté. Il n'y a pas un excès de détails que tu mets non plus dans tes décors, donc ça reste quand même quelque chose d'assez agile. Oui, c'est ça. Dans le fond, le premier plan, c'est vraiment les personnages. Après ça, on va arriver dans certains lieux spéciaux où les décors vont devenir intrigants parce que justement, il va peut-être avoir un petit peu plus de détails. On le voit à la toute fin du livre, d'ailleurs, où là, on voit qu'il y a peut-être des ruines ou des temples qui. Laisse présager qu'il y a un historique assez intéressant et assez ancien par rapport à que finalement le décor est aussi un personnage. Mais ça va venir progressivement. Oui, puis en même temps, le fait justement de jouer avec ces éléments-là, ben quand le décor prend plus d'espace, quand le décor prend l'avant-plan, ben on s'y attarde un peu plus. Et dans le contexte d'une lecture jeunesse où il y en a certains avec des BD comme ça qui vont essentiellement faire l'apprentissage aussi de la lecture du format BD, ça peut être une première BD de lecture de lecteur qui apprend aussi la lecture, je trouve. Mais ouais. Dans ce contexte-là, ça aide aussi à guider l'œil, ça aide à bien saisir ce qui est important, ce qui l'est moins, etc. Mm-hmm. Ouais, j'ai eu un commentaire comme quoi il y avait une dame que son fils de 6 ans avait lu l'album, mais juste en regardant les images, donc une lecture visuelle. Puis après ça, elle lui avait lu à voix haute. Elle disait que ça se prêtait bien à la lecture à voix haute. Donc, moi, c'est pas quelque chose que j'avais prévu, mais tant mieux. J'étais content de lire ça. Puis là, tu viens de parler d'un peu de l'âge type. Mais moi, c'est ça. Là, c'est vraiment. J'aime pas nécessairement utiliser cet exemple-là, mais c'est un peu comme un astérix là, pour tous les âges. Je veux dire, je pense que c'est le défi, justement, pas de plaire à le lectorat, mais d'essayer de créer un récit universel qui peut parler à des différentes générations. Donc voilà. Mais juste avec les références que tu as données, je pense que ceux de nos âges, peut-être 30, quarantaine, se reconnaissent peut-être un peu dans les références. Donc, il y a un peu de là-dedans aussi. Et effectivement, il y a un côté tous âges, en fait, que je percevais bien. Et tu disais, ben, enfin, en conclusion, Julien, donc on y va avec un rythme d'une année. Donc, on sait déjà qu'on s'en va avec 3-4 albums. Donc, on embarque avec toi dans une série qui devrait durer, là. Exactement. Moi, je veux raconter une grande saga, puis j'ai même des idées pour un deuxième arc narratif, puis voire même un antépisode, là, donc un autre arc qui se passerait avant même la naissance de Rex, pour raconter ses origines, raconter la création de cette société-là, finalement. Alors, on aura l'occasion, assurément, d'accompagner et de te suivre dans la construction de cet univers-là. Julien Paris-Sorel, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond. À une prochaine. Bonne soirée. Alors voilà, c'était Julien Paris-Sorel, dessinateur, scénariste, donc auteur de cette série Aventure Ozard. Donc tome 1, Le Réveil de Rex, c'est disponible du côté de Presse Aventure. Alors, toujours l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a commencé à mettre nos émissions en balado diffusion 2 mois en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, vous trouvez ça sur lavieenbd.wordpress.com. Je vous invite également à nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Petite mention avant de prendre une courte pause, simplement pour vous dire que l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée a eu le plaisir de décerner le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2018 à la bande dessinée Vogue, la valise, l'intégrale de Cyrus du côté des éditions La Pastèque. On indique d'ailleurs que au terme d'une lutte serrée, cette BD a séduit les adhérents, remporté le plus grand nombre de suffrages chez les membres votants. Un album à caractère autobiographique, Vogue, la valise relate la jeunesse de la poule, alter ego de l'auteur, placé en bas âge dans une famille d'accueil. Après avoir été traîné d'un foyer nourricier à l'autre, la poule échoue chez les troublants qui en feront leur souffre-douleur pendant près d'une décennie, et la poule survivra à son milieu grâce à sa passion pour la musique et le dessin. Alors, qu'est-ce qui a orienté les membres votants? Ben, essentiellement, c'est la justesse et l'équilibre de l'ouvrage, que c'est entre émotion et espoir. Porté par une série de montées dramatiques efficaces, l'auteur fait toujours preuve de retenue, ce qui lui permet de présenter la poule dans toute sa fragilité, tout en faisant preuve d'une grande résilience. Alors, ben, voilà donc une bande dessinée qui mérite assurément cet honneur. Vous le savez, c'était dans mes coups de cœur personnels au fil de l'année dernière. C'est une bande dessinée également qui s'est récompensée déjà 2 prix québécois, en fait. Le BDLIS du côté de Promo 9e Art, le BDIS Causa du côté de Québec BD, et maintenant, donc, c'est essentiellement un tour du chapeau que se propose Cyrus avec ce prix, donc, de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2018. Alors, ben, félicitations à l'auteur. Poursuivre toujours ici à La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle, en fait, musique cette semaine, c'est Gamergate avec son album Fantastique Romantique qui nous accompagne au fil de l'émission de cette semaine. Album qui est disponible en ligne incidemment. Et parlant de choses disponibles en ligne, eh ben, il y a une web-série dont j'avais absolument envie. On prenne un peu de temps pour en parler. J'ai peut-être un peu tardé également, mais on va prendre le temps aujourd'hui. Ça s'appelle La Bande dessinée à voix haute. C'est une initiative conjointe de Québec BD et de Lyon BD. Et une web-série qui met de l'avant des auteurs et des BD. Pour en parler, le directeur général de Québec BD est avec nous en studio. Thomas-Louis Côté, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée... présentons un peu le projet. Donc, on est dans l'idée où on développe une bande dessinée à travers des courts-métrages où des auteurs racontent une BD, mais où on ne voit pas la bande dessinée, on ne voit pas les images. Exactement. Dans le fond, dans le cadre des projets qu'on a fait avec Lyon jusqu'à maintenant, Lyon BD, on a travaillé beaucoup sur le dessin, souvent. On avait fait un projet... qui était la bande dessinée sur les planches, je crois, là, qui était une lecture de scénario, mais sur laquelle on projetait quand même à l'arrière les cases qui étaient lues. Alors là, on voulait vraiment se pencher plus sur un projet qui mettait de l'avant le scénario. Et dans le fond, le déclic est venu quand j'ai vu un spectacle de Charles Berberian, qui était sur le principe de la BD à voix haute, c'est-à-dire de mettre de demander à des auteurs de raconter leur bande dessinée. Donc, d'en faire la lecture, mais aussi de raconter les dessous de la création à travers cette lecture-là. Donc, parce que comme on ne met pas de l'avant les cases et les dessins, faut que l'auditeur, si on veut, comprenne ce qui est lu. Et donc, l'auteur doit faire une présentation sommaire des cases, mais ça amène souvent l'auteur à partir sur des digressions où on raconte pourquoi ben, tel personnage est là, cette scène-là est tirée d'une vraie anecdote qui est racontée. Donc, on essaie vraiment de mettre en contexte la bande dessinée à travers cette lecture-là. Et je trouve, en fait, d'un point de vue médiation, c'est vraiment une idée forte, parce que ça change complètement notre rapport avec la bande dessinée et ça va changer notre relation quand on va lire la bande dessinée ou si on a lu la bande dessinée. Exact. Et ça amène aussi l'auditeur à voir que souvent, les choix de bande dessinée sont faits pour aller chercher des ouvrages souvent soit autobiographiques ou avec un fond autobiographique, ce qui permet de raconter des choses, là. Mais donc ça permet vraiment à l'auditeur de voir tout le travail derrière la création d'une bande dessinée, en dehors du dessin, qui est la partie peut-être la plus évidente pour comprendre que ça prend du temps, une bande dessinée. Mais pour bâtir une bonne bande dessinée, une bonne histoire, il faut vraiment y passer du temps, là. Oui, puis en même temps, c'est, on dirait que le fait de pas avoir accès au visuel, ben ça nous amène aussi, si on n'a pas lu la BD, à imaginer un peu, à prendre ce qui nous est raconté, puis à imaginer, dans le fond, justement, les éléments qui sont proposés. Et après ça, quand on arrive à la lecture, ben je parlais de changement de relation parce que, justement, on réagit à ce qui est proposé différemment. On avait déjà un a priori, ça change notre regard, ça le complète, etc., etc. Ben, moi, je parlais de déclic tantôt quand j'ai vu la prestation avec Charles Berberian. C'était aussi le fait qu'à la fin de cette présentation-là, mon premier réflexe a été de voir à la librairie les albums que j'avais entendus pour voir si l'idée que je m'étais faite de certains dessins, certaines scènes était la bonne. Dans la version qu'on en a fait en ligne, on a quand même rajouté certains éléments visuels. Donc, on voit le dessin à travers un dessin réalisé en direct par les auteurs, des fois certaines planches qui passent rapidement, mais on ne s'attend pas pour que les planches ou les cases deviennent un élément de la narration. Si on veut découvrir la bande dessinée, c'est vraiment par ce que l'auteur raconte et non par ce que vous voyez à l'écran. Et dans ce contexte-là, en fait, j'imagine que le défi, parce que Québec BD travaille beaucoup en médiation, justement, en valorisation, donc ça devient une manière nouvelle, je trouve, d'amener justement les gens vers la BD, de créer une relation avec l'auteur. Dans le fond, c'est... Est-ce qu'on a l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose à potentiel particulier avec une idée comme ça? Bien, c'est dans la lignée des explorations qu'on a faites avec Lyon BD, au niveau soit de l'impro BD, de spectacles, aussi la création qu'on avait fait correspondance, c'est d'essayer de trouver des rencontres en bande dessinée. Donc là, on en a créé une nouvelle et effectivement, c'est un projet qui s'est fait sur 2 ans. On a commencé par un 4 épisodes pilotes qui nous ont permis de peaufiner un concept. Parce qu'il faut noter aussi que le concept est vraiment conjoint, c'est-à-dire qu'on travaille avec une équipe normalement de réalisateurs et de caméramans qui est France-Québec. Donc, il y avait un représentant de la France, un représentant du Québec lors de la création des pilotes, des auteurs du Québec et de la France également. Donc, les 4 premiers épisodes nous ont vraiment permis de jeter les bases de ce qu'on voulait faire. Tester des choses aussi avant, lors du tournage. On a tourné beaucoup plus que ce qu'on a fait, mais on a réussi après ça à condenser ça dans des capsules d'à peu près 7 minutes, 8 minutes. Et c'est devenu vraiment le gabarit, si on veut, pour le reste de la série qui compte maintenant 12 épisodes. Et le choix des auteurs là-dedans, t'en as parlé un petit peu. On a beaucoup en a priori sur des éléments des auteurs qui intègre un peu des éléments biographiques, des éléments personnels pour bonifier un peu ce qu'on va raconter, ce qu'on va chercher. Bien, oui, mais en même temps, ça prend des auteurs qui ont quelque chose à dire par rapport à leur œuvre. C'est pas tout le monde qui est à l'aise nécessairement de raconter ou de faire la lecture de leur œuvre. Puis on veut vraiment que ce soit les auteurs qui le fassent et non un comédien pour justement pouvoir se permettre les petits à côté qui deviennent intéressants. Je parlais d'expérimentation un peu tantôt, mais c'est vraiment aussi ce qu'on a fait avec ce concept-là. C'est-à-dire que oui, il y a des BD autobiographiques, comme par exemple Fabien Toulmé avec Ce n'est pas toi que j'attendais. Michel Rabagliati, c'est quand même autobiographique romancé. Mais on a été avec Charles Berberian dans du strip, donc comment il racontait un peu l'humour. On a fait une capsule avec Julie Rochelot aussi, avec Betty Boob. Et Julie Rochelot n'est pas la scénariste et la dessinatrice d'une BD muette. Mais on réussit quand même à faire un 8 minutes captivant avec elle qui raconte comment elle a traité le scénario de Véro Cazzo à travers la façon qu'elle raconte les scènes qu'elle est capable de décrire, puis même les joue un peu. Donc, c'est certain qu'il y a une facilité d'aller vers l'autobiographique parce que les gens se racontent eux-mêmes, ce qu'on a fait avec Emmanuel Lepage, entre autres. Mais il y a un intérêt à essayer d'autres choses pour voir comment on peut ouvrir ce concept-là à d'autres genres et éventuellement en faire quelque chose qu'on ramène d'année en année puis qui permet de mettre en valeur soit la production québécoise ou la production française, de le permettre à un plus grand nombre. Par exemple, Julien Paris-Sorel, tantôt avec Aventurosaure, ben c'est quelque chose qu'on pourrait essayer éventuellement de voir comment lui pourrait la raconter, mais sans qu'on mette les images aussi. Mais c'est des choses qu'il faut explorer dans les futurs épisodes. Et dans ce contexte-là, en fait, on prend l'auteur, comment on le prépare un peu à une expérience comme celle-là? Parce que pour lui, ça reste un beau défi de communication aussi. Ou est-ce que ça va être plus au montage, justement, qu'on va organiser son discours ou qu'on va assurer qu'il y ait cette cohérence-là? Ben, déjà, on lui explique relativement bien le concept, pour ceux qui l'ont fait. Et on leur demande de choisir quelques scènes qu'ils vont lire. Donc, c'est des scènes qu'on mettons trois scènes, quatre scènes. Et les auteurs, on les amène à les lire quelques fois. Et après ça, on tombe en mode entrevue aussi. Donc, que ce soit moi ou Mathieu Diaz, qui est le directeur de Lyon BD, on joue un peu le rôle d'intervieweur et pour amener les auteurs à parler, puis à déborder justement des planches, puis d'amener le contexte de la création des albums, puis de voir comment ça se situe dans leur parcours. Mais c'était toujours de façon très informelle, mais toujours tournée. Donc, au final, on est capable avec ça d'aller faire une capsule où on y va par bloc, si on veut, mais une petite introduction, après ça un extrait, un autre petit bout d'entrevue, un autre extrait, puis une conclusion. Donc et ça permet de faire, si on veut, une espèce de reportage avec des extraits. C'est ce qui diverge un peu du concept de Charles Berberian, qui était vraiment porté par les extraits uniquement, mais le montage y est pour beaucoup, puis les réalisateurs qui ont travaillé là-dessus, donc Thomas Carabin en France puis Olivier A. Dubois à Québec, ont fait un sacré travail là, justement d'aller capter l'essence des rencontres qu'on a eues puis les mettre dans une capsule qui est relativement courte là. Et tout ça dans des lieux aussi qui sont incarnés. Ils sont pas en avant d'un écran vert ou dans une salle noire. Ils sont sur les bords d'une rivière à Lyon. Ils sont dans la forêt du domaine Mézeray à Québec. Ils sont dans un restaurant, etc. Ouais. Dans un lieu qui est soit un beau décor ou qui a un lien direct avec la proposition du récit. Exact. Mais les Lyonnais seraient un peu offusqués que tu parles pas d'un fleuve, mais plutôt d'une rivière. Là, mais comme tel, on voulait sélectionner des lieux qui étaient intéressants et qui sortaient la bande dessinée de ce qu'on pouvait l'attendre. Des fois, c'est des choses qui sont rattachées. Par exemple, Betty Boob, c'est dans un cabaret. Je pense Emmanuel Lepage, on a fait ça dans un fort abandonné, pour parler de Tchernobyl et tout. Mais ça reste des lieux qui sont pas justement une bibliothèque. Quoi qu'on le fait quand même avec Lisa Mendel au Morin Center, mais c'est à cause que la présentation est tellement belle là-bas, mais on le fait au Complexe G aussi en haut. Et on cherche des lieux différents pour chacun, des fois en lien avec les albums, des fois non, mais toujours qui offrent un visuel intéressant et qui représentent aussi les villes dans lesquelles ils sont. Tu parlais tantôt du fleuve, les promenades sur le bord du Rhône, c'est très beau, c'est reconnu, mais on voit Lyon très bien, un peu comme le Complexe G où on a des très belles images de Québec. On le fait au domaine avec Michel Rabagliati parce que ça marchait dans son récit, mais ça reste un parc qu'on connaît. Donc, on essaie de sélectionner des lieux complètement différents, puis on continuera à le faire pour l'ensemble des autres capsules qu'on voudrait produire. Et j'incite fortement les gens à aller les découvrir. En fait, sont en ligne cette première et cette deuxième vague de capsules sur la BD à voix haute.com. Donc, l'intégrale s'y trouve. Et sincèrement, en fait, ça vaut la peine. Et j'espère que vous allez poursuivre ce projet-là. En fait, je trouve qu'il y a un filon qui est extrêmement stimulant en matière de médiation autour de la bande dessinée. Donc, vraiment, chapeau pour l'idée. Oui, ben merci. Et je dirais aussi qu'on est soutenu par la Fabrique culturelle pour la diffusion. Donc, au niveau du Québec, vous pouvez aller les voir sur la Fabrique culturelle. Et on les sort à un rythme de un par mois. Donc, jusqu'à maintenant, je vais sortir Max Fitzgerald pour Long Cheveux Roux. Je vais sortir la semaine prochaine. Et il va en rester jusqu'en avril prochain, donc vous pourrez découvrir. Mais il y en a déjà plusieurs qui sont en ligne. Alors, on incite les gens à aller y faire un tour. Thomas-Louis Côté, merci beaucoup. Merci à toi. Et je rappelle, en fait, donc Thomas-Louis, qui est directeur général de Québec BD. Et également, je rappelle l'adresse, donc labd@voixhaute.com ou sinon, par le biais de la Fabrique culturelle. Dernière ligne droite de la vie en BD et on la passe, ces dernières lignes droites, dans une mise de table avec Michel Giguère, donc, qui est l'animateur des rendez-vous de la BD. Michel, bonjour. Salut Raymond. Et enfin, on se projette un peu dans l'avenir puisque mercredi prochain, 14 novembre, eh ben, les rendez-vous de la BD vont accueillir Julie Rochelot. Julie qui s'est mérité moult prix d'ailleurs avec sa bande dessinée Betty Boob, le plus récent était le prix des libraires dans la catégorie BD québécoise. Il y a eu, je pense, un BD Scosa également, le prix des libraires à la FNAC du côté de l'Europe. Donc bref, Michel, tu la reçois là, véritablement dans une période où sa carrière a le vent dans les voiles. Tellement. Julie Rochelot était déjà reconnue depuis des années dans la bande dessinée québécoise. Mais avec Betty Boob, la voilà en orbite dans la galaxie de la BD franco-belge. Ce à quoi a contribué sans doute aussi, comme tu l'as mentionné, son prix de la FNAC, là, qui était important là-bas, qui est un peu l'équivalent du prix des libraires, finalement. Et 2018, donc, est à mon avis un moment charnière de sa carrière qui est encore relativement jeune, mais déjà éclatante. Et moi, je me faisais une priorité de la recevoir là, à ce moment-ci de sa carrière. Et Michel, ta soirée est annoncée sous le titre « Même pas peur », rencontre avec Julie Rochelot. Et je me demandais, en fait, qu'est-ce que tu avais voulu souligner par ce titre-là? Ben, c'est que chaque projet de Julie Rochelot représente en soi un défi. Un défi qui en terroriserait plus d'un et plus d'une, sauf qu'elle, on dirait qu'elle a toujours l'air pas au-dessus de ses affaires, mais en plein contrôle, en tout cas. Et mon petit texte de présentation utilisé pour la promotion de l'activité résume assez bien l'affaire. Ça dit, son premier album abordait le sujet sensible de l'anorexie. Dès après, elle publie chez un gros éditeur français, d'Argot, une adaptation débridée du mythe de Fantomas. Fantomas, qui est une des figures les plus importantes de la littérature populaire française du début du 20e siècle. Elle transpose ensuite un classique de la culture populaire québécoise, La Petite Patrie, qui est un roman de Claude Jasmin, qui est paru, pour mémoire, là, en 72 et qui a été adapté très vite en téléroman de 74 à 76. Et en 2017, son Betty Boob, chez un autre éditeur d'envergure, Casterman, s'attaque au cancer du sein, sans déprime et sans texte. Alors moi, je me dis, cette fille n'a peur de rien et son travail force l'admiration. Et si on fait un peu le rétrospective carrière, si on peut dire, de Julie Rochelot, elle vient en fait de l'animation, d'illustration, et c'est avec cette expérience-là qu'elle va faire son entrée avec un premier album qui a déjà été assez bien remarqué, La fille invisible. Oui, en 2009, elle avait plus ou moins 27 ans, et à ce moment-là, ça fait déjà 7 ans qu'elle gagne sa vie en animation et en illustration. L'album de BD La fille invisible se décline par une narration alternée qui va d'une adolescente anorexique à une journaliste qui prépare un article sur les troubles alimentaires, justement. Et c'est à la fois instructif, mais sans être didactique, et c'est aussi très beau, très, très émouvant. C'est en fait une BD sensationnelle pour une première tentative là, dans sa carrière. Une BD, imagine-toi, qui était épuisée sur le marché du livre jusqu'en juin dernier. Alors, avis à l'auditoire, on dirait que le succès de sa dessinatrice a ramené La fille invisible en librairie. Alors, achetez-le, offrez-le à Noël. Et déjà, dans ce premier album-là, son style de dessin est affirmé. Et puis, quant à moi, ben, ce style-là est exempt de toute influence qui pourrait provenir du 9e art. Une planche de Julie Rochelot pour un bédéphile, ça ressemble à rien, en tout cas à rien de connu, ou à peu près. Comme si elle débarquait dans la BD avec une certaine virginité, vierge en tout cas de l'influence de tel ou de tel grand dessinateur. Attends, je te donne un défi, Michel. Comment tu décrirais aux auditeurs son style visuel? D'abord, ben, dans son approche graphique, on peut pas vraiment séparer le trait de la couleur. Ses images en BD forment un tout, je trouve. Ensuite, son esthétique s'inscrit absolument pas dans le courant du, tu sais, dessin noir et blanc qui constitue une espèce d'écriture graphique, là. Visuellement, elle, Julie, elle nous en met plein la vue, et puis tout le temps, peu importe qu'il s'agisse de scènes d'action ou de dialogue, de scènes capitales ou de transition, c'est toujours le pied au plancher. Le journal Les Libraires a bien résumé ça dans un article de leur numéro de septembre-octobre sous le titre « Explosion de talent ». Julie Rochelot, c'est ça. Son talent explose en pleine face. C'est pas discret, c'est pas sobre, c'est plutôt flamboyant et spectaculaire. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle arrive à faire accorder cette flamboyance-là, pour reprendre ton terme, avec des sujets qui sont sérieux, qui sont délicats, comme l'anorexie ou le cancer. Oui, puis quand je dis « elle a peur de rien », c'est que j'ai pas l'impression qu'elle tergiverse longtemps, qu'elle se poigne la tête à deux mains pour trouver le bon ton ou un style adapté à ci ou à ça. Elle se lance. Je vais lui demander mercredi prochain de cerner un petit peu sa personnalité, parce que selon moi, c'est la clé pour comprendre ça. Tu vois, dans mes cours, quand un apprenti bédéiste est figé devant une page blanche, je répète tout le temps, reste pas comme ça dans ta tête. Passe de ta tête à ta main, à tes doigts. Dessine n'importe quoi, mais dessine, puis les idées vont surgir sans que tu les cherches. J'appelle ça réfléchir avec son crayon. Et puis je pense que c'est un peu l'attitude de Julie Rochelot. Quant à ta question, comment elle arrive à accorder un visuel aussi exubérant avec des sujets aussi délicats, ben je connais pas la réponse, et peut-être qu'elle non plus. Et on a parlé un peu de son style, un peu des thèmes qu'elle a abordés. On pourrait parler un peu maintenant de son travail, parce que c'est toujours une approche collaborative, elle travaille avec des scénaristes. Oui, et j'ai hâte de lui demander si elle a envie de faire un album en solo, d'ailleurs. Et j'ai remarqué que ses collaborateurs québécois sont pas des scénaristes de métier en BD. La scénariste de La fille invisible, Émilie Villeneuve, est journaliste. Le scénariste de La petite patrie, Normand Grégoire, travaille dans l'animation. Et s'il est scénariste, c'est pour la télé et le cinéma. Donc, c'est des gens qui, comme Julie Rochelot, arrivent avec une fraîcheur dans la bande dessinée. Et j'aime bien cette idée-là, moi, que des raconteurs venus de disciplines autres viennent enrichir l'imaginaire de la BD. J'aime bien l'idée aussi qu'une dessinatrice prenne le risque de collaborer avec des gens qui sont pas nécessairement, disons, rompus à la discipline. Et ces projets européens, ces projets français qui sont édités en France avec des scénaristes de France, comptent, justement, on en a parlé, le petit dernier, Betty Boob. Avant ça, il y a eu le triptyque La colère de Fantômas sur une histoire d'Olivier Bocquet d'après les romans Marcel Alain et Pierre Souvresse. Là. Oui, et en tant que Québécois, on évalue mal l'ampleur du défi, parce que le mythe de Fantômas, c'est pas important ici comme il l'est en France. Si le nom de Fantômas vous évoque rien, sachez que chaque tome du triptyque propose une préface qui situe admirablement le mythe, qui met la table. T'sais. Et à la fin du tome 1, en plus, on peut parcourir les diverses citations d'admirateurs du vilain personnage, parce qu'il est vilain. Alors, je parle d'Apollinaire, Cocteau, Blaise Cendrars, Max Jacob, Malraux, Magritte, Queneau, Sartre et même Pablo Neruda. Tous des admirateurs du personnage et de l'univers de Fantômas. Alors, je suis pas sûr, moi, qu'au départ, Julie Rochelot savait vraiment dans quel défi elle s'embarquait. Et cela dit, le résultat est décoiffant, violent, sensuel. Le mythe est dépoussiéré, c'est le moins qu'on puisse dire, et la belle époque est vraiment transfigurée. Et l'autre projet français chez Casterman, c'est Betty Boob, qui est aussi un succès éclatant qu'elle a mené avec Véro Cazot. Oui, un gros album, séduisant, chatoyant, malgré un sujet qui peut rebuter pour un récit de fiction, là, c'est-à-dire le parcours d'une femme qui relève d'une mammectomie. Sauf que c'est pas lourd, c'est dur par bout, mais c'est surtout une célébration de la vie, et je trouve aussi une célébration de l'amour propre. L'époustouflante mise en image fait que même les scènes cauchemardesques deviennent jubilatoires. Et formellement, c'est un album qui est éclaté et qui plus est, muet. Carrément muet, comme y a pas de texte. Et d'ailleurs, en fait, si on joue un peu avec les références, il y a certaines scènes de La petite patrie sorties 2 ans plus tôt qui sont sans texte, les dialogues remplacés par des symboles, par des idéogrammes, par des mimiques, par la gestuelle des personnages. Donc, un peu du Betty Boob avant Betty Boob. Oui, c'est pas tout l'album dans le cas de La petite patrie, mais des pages entières, effectivement. Et c'est à se demander si, pour mettre en image une BD muette, la scénariste Véro Cazot ou alors l'éditeur Casterman n'a pas choisi Julie Rochelot en lisant La petite patrie. Et encore une question que j'ai bien hâte de lui poser. Et quand je dis lire, c'est vrai même quand une BD n'a pas de texte. On lit toujours une BD, on lit les dessins de la BD. Par ailleurs, La petite patrie constitue une autre transposition d'un roman, un roman de Jasmin, qui raconte son enfance, une transposition en même temps du téléroman qui en avait été tiré peu après, et puis une transposition du Québec urbain du début des années 40. Moi, c'est un album que j'ai adoré, qui, en passant, est publié par La Pastèque. Oui, mais en fait, j'aurais envie de dire, les albums de Julie Rocheteau, en général, on voit son nom. C'est une belle garantie de qualité, de façon générale. Je pense que j'ai pas vu de collaboration qu'elle a faite à date qui m'a déçu. Et puis, elle nous surprend, parce que c'est, comme vous l'avez vu, dans des genres, dans des thématiques, dans des registres différents. Et puis, elle arrive, tu sais, sans hésiter, avec cette espèce d'exubérance graphique-là. Et t'as raison, elle s'est jamais plantée. Bon, tu me diras, sa carrière est jeune, mais quel début de carrière. Et mercredi soir prochain, c'est important de le dire, donc à la bibliothèque Gabriel Roy, à 19h, Julie Rocheteau va être là justement pour répondre à tes questions, pour répondre aux questions que tu as soulevées ici à l'émission, pour parler de son parcours, de sa méthode de travail, de son approche. Donc vraiment, une rencontre d'auteur, et une rencontre d'auteur basée comme à l'habitude, comme c'est ton habitude, sur le visuel, sur les planches, sur une analyse assez en profondeur, pour en avoir vu quelques-unes, assez en profondeur justement du travail et du regard qu'on peut porter sur son travail. Oui, parce que moi, j'ai fait une sélection de planches que je trouvais représentatives et sur lesquelles j'ai envie de discuter et que j'ai envie de partager, soit parce que je les trouve bien bien mises en scène ou que ça fait, dans le cas de Julie Rocheteau, parfois des manières de tableaux, de magnifiques tableaux. Mais elle m'a fourni aussi de son côté son travail sur le plan là, des étapes préliminaires, des recherches de personnages, découpage, crayonné, tout ça. Alors, ça, je sais, moi, que les gens adorent quand on les amène comme dans les coulisses de la réalisation d'une BD. Alors, ce sera un rendez-vous, donc, je le rappelle, mercredi prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel Roy, donc le 14 novembre. L'entrée est libre. On se présente, on s'assoit, et j'invite les gens à pas trop tarder pour se présenter parce que il risque d'avoir des gens, il risque d'avoir du monde. Ben écoutez, s'il y en a qui viennent pas, ils vont le regretter parce que elle a pas fini de faire parler d'elle, cette Julie Rocheteau là. Oh que non. Ah ben Michel Giguère, merci beaucoup. Toujours un plaisir, Raymond. Et à bientôt. Salut. Salut bien. Alors, je rappelle donc, voilà Michel Giguère, donc animateur des rendez-vous de la BD, le prochain dont on parlait le 14 novembre. Et nous, ben, on se retrouve le 16 novembre pour une nouvelle édition de La Vie en BD. On aura notamment Julien Poitras et Christian Quesnel pour nous parler, en fait, d'abord d'une mise à jour du côté de l'éditeur Moelle Graphique et également d'un nouvel album qui vient tout juste d'être lancé. Il y aura également Frédéric Gauthier, l'éditeur de La Pastèque, qui viendra nous offrir une mise à jour sur le 20e anniversaire, des très beaux projets également qui viennent d'être annoncés de leur côté. Alors, on fera un petit survol de tout ça avec lui. Alors, ben, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.